l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands peuple dans le désert, car sa miséricorde.